Incendie de la gendarmerie de Grenoble. La police menace 2 sites internet indépendants de fermeture. Texte paru dans Lundi Matin, numéro 115, le 25 septembre 2017. Dans la nuit du mercredi 20 septembre, une caserne de gendarmerie de Grenoble est partie en fumée. Nos confrères du Parisien évoquent un bilan catastrophique. Au total, 40 véhicules ont été incendiés, dont 8 fourgons de gendarmes mobiles qui valent 120 000 euros pièce et qui contenaient du matériel d'intervention coûteux dans leurs alvéoles. Le feu s'est ensuite propagé aux locaux techniques, dont le laboratoire. Le préjudice serait colossal. Il a été évalué à 20 millions d'euros. Dès le lendemain, une lettre d'explication est publiée sur les sites internet indépendants et collaboratifs Indy Média Nantes et Grenoble. Des noctambules y développent leur hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre, ainsi que leur soutien aux 9 personnes jugées depuis la veille pour l'incendie de la voiture de police quai de Valmy. Voici donc ce communiqué, entre guillemets. Solidarité incendiaire. Ce jeudi, à 3h du matin, deuxième jour du procès de la voiture brûlée, avons pénétré dans la caserne de gendarmerie Vigny-Musset. Avons incendié 6 fourgons d'intervention et 2 camions de logistique. Le garage et l'entrepôt ont été ravagés sur plus de 1 500 m². Cet acte s'inscrit dans une vague d'attaques de solidarité avec les personnes qui passent en procès ces jours-ci. Forte accolade à Cara et Crème. Une pensée pour Damien récemment tabassé par les flics. Quelle que soit l'issue du procès, on continuera à s'en prendre à la police et à la justice. Notre hostilité est un feu qui se propage. Signé Des Nocturnes. Fin de citation du communiqué. Il relève en effet des us et coutumes de la gauche que de soutenir par l'action directe ou la pétition des personnes poursuivies par une justice jugée inique, voire illégitime. La nouveauté ici, c'est que l'OCLCTIC, judicieux acronyme de l'Office central de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, a jugé bon d'envoyer une lettre de chantage aux 2 premiers sites ayant relayé l'information, les accusant de provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Le service de police leur offre la possibilité de censurer eux-mêmes le contenu litigieux sous 24 heures ou bien d'être rayés de la carte des internets. Voici donc ce qui doit être le courrier, oui c'est ça, de le ministère de l'Intérieur. Date le 21 septembre 2017 à 20h. From, depuis DCPJ. SDLCODF, OCLCTIC, liste, intérieur.gouv.fr. To, en direction de, abuse@indymedia.org. Sujet, OCLCTIC, notification, demande de retrait de contenu illicite. Bonjour. L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, l'OCLCTIC, a constaté la présence de contenu qui contrevient aux dispositions de l'article 421-2-5 du Code pénal, provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Ces contenus sont visibles aux adresses suivantes. Donc là, il y a une adresse de l'article sur grenoble.indymedia.org. Solidarité incendiaire. Des éléments techniques laissent à penser que vous êtes l'hébergeur des contenus. En conséquence et conformément à l'alinéa 1 de l'article 6.1 de la LCEN, nous vous demandons de retirer ces contenus. En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de 24 heures, nous pourrons mettre en œuvre les procédures de blocage et de déréférencement prévues par les textes suivants, l'article 6-1 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 modifié pour la confiance dans l'économie numérique, tel que modifié par l'article 12 de la loi numéro 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, le décret numéro 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique et enfin le décret 2015-253 du 4 mars 2015 relatif au déréférencement des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images de représentations de mineurs à caractère pornographique. Merci de votre coopération. C'est la fin de la lecture de la lettre, enfin du mail de demande. Reprise de l'article donc. Rappelons en effet que depuis le décret du 5 février 2015, l'OCLCTIC a le pouvoir de bloquer un site internet sur simple décision administrative, c'est-à-dire de police. Et donc en dehors de toute autorité judiciaire, si elle juge qu'un contenu pourrait provoquer à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Malgré la politesse de rigueur et les remerciements pour la coopération, ce courriel résonne étrangement avec la fermeture musclée cet été d'Indie Media Linksunden. C'est Linksunden ou Linksunden, je ne sais pas. À voir plus tard. Fâché du fiasco que fut le G20 de Hambourg, le ministère de l'Intérieur allemand Thomas de Maizière avait accusé le site internet du chef d'organisation illégale dans le but de détruire la constitution allemande, justifiant ainsi légalement la perquisition de ses locaux et la saisie de ses serveurs. Pour revenir aux menaces envoyées aux deux indie médias, elles sont doublement alarmantes, tout d'abord parce qu'elles impliquent que l'institution policière s'octroie désormais le pouvoir d'effacer de l'Internet les sites dont le contenu ne leur plaît pas, à sa seule discrétion et à partir de critères aussi lâches et indéfinis que l'apologie du terrorisme, mais aussi parce que cette nouvelle prérogative semble être exercée à la légère. Quel juge indépendant aurait visé Quel juge indépendant aurait visé deux sites indépendants tout en laissant ceux de BFM TV ou du Dauphiné Libéré diffuser librement et dans l'indifférence générale l'exacte même apologie du terrorisme? Notons pour finir qu'un autre fait divers semble avoir échappé à la vigilance de l'OCLCTIC. Dans la nuit du 18 septembre, trois fourgons de gendarmes mobiles et deux bus de gendarmerie étaient incendiés dans une caserne de Limoges. Un communiqué de revendication signé par des gendarmes exaspérés était alors diffusé sur les réseaux sociaux sans que les policiers chargés de l'enquête ne semblent le prendre au sérieux. Force est de constater que prévaut ici un poids de mesure effarant dans la lutte contre le terrorisme. Voici donc la lecture du communiqué publié sur le site de lundi matin. Dans la nuit du 18 septembre 2017, nous, ex-gendarmes de l'escadron de gendarmerie mobile 41/2, avons décidé collectivement d'incendier trois fourgons de GM et deux bus de gendarmerie stationnés dans l'enceinte de la caserne Jourdan à Limoges. Par ce geste, nous quittons définitivement la gendarmerie. Nous souhaitons également adresser toute notre solidarité aux inculpés eux. Dans l'affaire de la voiture de police brûlée Kevalmi, dont le procès commence aujourd'hui, le 19 septembre 2017, à Paris. Nous quittons la gendarmerie car nous ne voulons plus tuer, mutiler, réprimer, contrôler, obéir. Depuis l'assassinat de Rémi Fraisse, nous nous sommes réunis pour réfléchir ensemble sur le sens de notre métier de gendarme mobile. Le meurtre d'Adama Traoré a confirmé nos doutes sur la pertinence de notre mission. Nous ne voulons plus tabasser les manifestants et manifestantes lors des manifestations. Nous ne voulons plus terroriser la population en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Nous ne voulons plus servir de garde-chiourme dans les tribunaux. Nous ne voulons plus faire office d'armée d'occupation en banlieue ou dans les anciennes colonies. Nous ne voulons plus obéir aux politiciens et servir de bras armés au capital. Nous ne voulons plus de chef du tout. Notre caserne est une prison, cette mutinerie est un premier pas vers la conquête de notre liberté. Nous appelons tous nos collègues qui, du haut de leur appartement de fonction, ont pu contempler le feu de joie de la nuit dernière, à nous rejoindre. Répandez la rage, r.a.g.e, point d'exclamation, la révolte anarchiste des gendarmes exilés. Fin de lecture du communiqué publié par lundi matin. Gageons que nos confrères de la presse libre et subventionnée partageront notre indignation face à une telle ingérence de la police dans les choix éditoriaux d'Indymedia, tout autant que dans le laxisme avéré des agents de l'OCLCTIC vis-à-vis de BFM TV. Nous les appelons évidemment à co-signer cet appel à se solidariser avec les Indymedia de Nantes et de Grenoble. Donc là, il y a un lien vers un appel que je vais lire du coup dans la foulée. Voilà, c'était le texte paru dans lundi matin 115 du 25 septembre 2017 au sujet de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble et de la menace sur des sites internet indépendants de Indymedia. Donc c'est paru sur le site lundi.am.